l'autre paille est comme moi. Il a la tête posée ailleurs. Ton chapeau de paille ne répond pas à mon appel, pauvre chanteur. Ton chapeau de paille est comme moi. Il a la tête de ma quatrelle. La pauvre vieille s'est défoncée. Chapeau de paille, je me rappelle. Sûrement l'été 83. Vous étiez deux, vous étiez belle. Ton chapeau, ta copine et toi. Peut-être un jour je partirai sur les chemins de Compostelle. Et dans ma quête spirituelle, ton chapeau de paille, il me suivra. Ton chapeau de paille est comme moi. Il a un cœur qui bat tout bas. Et même si je ne partais pas, j'aurais la tête posée là-bas. Ton chapeau de paille, je me rappelle. Sûrement l'été 83. Vous étiez deux, vous étiez belles.